Ah voilà le chaton synthétiseur. Il fait des petites chansons quand ça lui prend. C'est un croisé siamois et yama. Il a plein de pattes et ne mange que du bois. C'est de la musique. Radioactive. Faite par un chaton synthé. Quand il joue, on s'arrête de parler. On dit écoutez donc le chat jouer. Ça vrille les tympans mais ça nous fait marrer. Qu'un chaton mutant sache aussi bien jouer. Il s'est mis à jouer. Alors que je l'engueulais. Pour savoir si j'avais le droit. Si j'avais le droit de planter des fleurs, alors que ni moi ni mon metteur en scène n'avions payé la cotisation père pour le bac. Le mec avec son bonnet est arrivé, il a arraché mes fleurs, il les a posées, il a dit vous ne faites jamais rien, mais moi j'ai dit mais si l'autre jour on a vendu des bières, il m'a dit bon non. Ça n'a pas cassé la baraque. Les chansons du chaton synthétiseur sont empreintes d'une triste beauté. Il chante aussi sa joie d'être encore là. On reconnaît bien là la patte du chat. Quand il a fini, il retourne dans son lit.